Suzongwa, boisson traditionnelle de la nation coréenne, est classée comme patrimoine immatériel d'État. Cette boisson était faite à l'origine de la pêche, de la fraise, de la poire, etc. Mais progressivement, elle recourt au kaki séché. Selon la recette, on refroidit l'eau bouillie pour y mettre les kaki séchés et on y ajoute gingembre et pignon. C'est la boisson d'hiver particulière. Les Coréens aimaient la boire surtout au jour de l'an lunaire, fête folklorique. Cette boisson est efficace à la santé car les composants comme gingembre, cannelle, pignon, miel, kaki séché, etc. produisent toutes sortes de matières favorables à la santé telles que vitamines, minéraux et aminoacides qui purifient du sang et remettent de la fatigue.